golf avec notre ami Michel Lallemand. On va faire le bilan puisque c'est la dernière chronique du club de golf. Salut Michel! Évidemment, ça a été quand même une année, je pourrais dire quasiment deux mouvements à Chibougamau. C'est sûr que la mauvaise température n'a pas dû aider, mais quelque part, on sait qu'il fait beau maintenant. Fait que donc, est-ce que le mois de septembre a été positif? Non, j'ai eu le mois de septembre assez tranquille, généralement, parce que en plus, les gens, ben, c'est beaucoup d'adeptes de la chasse. Puis comme on a peu de visiteurs chez nous, ben, à ce moment-là, la saison, après la fête du travail, ça tombe plus tranquille, malgré la belle température. Seulement, là, les mordus qui continuent jusqu'au mois d'octobre. OK. Parce qu'ici, là, c'est quand même été positif. Puis est-ce que vous faites des promotions? Parce que chez Saint-Prime, ils sont très agressifs, eux autres, pour les promotions au mois de septembre. Est-ce qu'il y a des promotions qui existent à Chibougamau aussi? Non, chez nous, c'est plus tranquille à ce niveau-là. On a toujours des spéciaux toute l'année, mais on n'a pas de rien de particulier pour la partie de l'automne. OK. Donc, bilan positif, négatif, moyen, mitigé, c'est quoi ton bilan? Oui. Possiblement la saison la plus difficile depuis 20 ans qu'on est ici, au centre-ville, à Chibougamau. Okay. Au niveau de l'achalandage, au niveau de la pratique du golf, malgré des conditions de parcours là, phénoménales, on a une baisse d'achalandage là, d'environ 25 à 30 %. On va faire les chiffres là, à la fin de la saison, mais c'est très difficile. OK. Mais heureusement, vous, c'est pas comme les autres clubs. Vous avez quand même, c'est une partie du volet des activités. Votre location de salle vous rapporte aussi. Donc, c'est ça qui va vous sauver, là. Oui, c'est sûr que quand on va faire le bilan, à la fin de l'année, au 31 décembre, ben, au niveau de nos opérations, on devrait quand même être capable d'atteindre un équilibre budgétaire. Compte tenu que, oui, on a beaucoup de revenus diversifiés, on a des locataires annuels, puis nos salles de réception fonctionnent 12 mois par année. Mais au niveau du golf comme tel, si on était exemple comme le club de golf à Dolbeau ou à Saint-Prime, avec uniquement les activités golf, on aurait des gros problèmes là avant d'entreprendre la nouvelle année. OK. Hier, à ma chronique à CKG, parce que je collabore à une radio traditionnelle au Saguenay, je leur disais que le mauvais temps avait entraîné des pertes de 1 000 $ par jour au club de golf, puis ils n'en revenaient tout simplement pas. Puis je pense que quand on compte ça, c'est conservateur. Hein? Oui, parce que des clubs là, au Saguenay, là, où ce qu'il y a facilement... là. 50, 60 cancellations, une cinquantaine de dollars, plus, la bière, plus que ce que les gens consomment et tout. Les pertes sont importantes. Puis, on peut dire que c'est généralisé au Québec. Là, la mauvaise température a été présente partout, malheureusement. Et à la fin de la saison, il y a beaucoup de clubs de golf qui vont être dans des situations... beaucoup plus difficile. C'est clair. Pierre-Alexandre Bédard, c'est tant qu'il a bien fait encore cette année. Il a gagné un tournoi en fin de semaine, tu savais-tu? Ben oui, je le savais. On le suit régulièrement, notre ami. On est en contact direct avec Facebook. Puis en fin de semaine, c'était le dernier tournoi du circuit provincial amateur. Il avait lieu au Blainvilliers. Ouais. Et Pierre-Alexandre a enregistré sa première victoire sur le circuit provincial. Ouais. Ce qui clôt là, sa saison au Québec. Donc, une très, très belle performance. Sur la bonne voie, notre ami Pierre-Alexandre. Oui, effectivement. Maintenant, qu'est-ce que vous entendez faire au cours des prochaines... Y a-t-il des projets spéciaux pour l'an prochain à Chibougamau? Il est trop de bonheur. On va commencer au mois d'octobre par faire le bilan. Okay. Après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on a, vers quoi on s'organise là pour essayer de contrer... là. Un petit peu notre baisse de calendrier des deux dernières années, puis faire le bilan, comme on dit, vraiment de la saison. OK. Mais comment il y a eu, une question qui me vient à l'esprit, comment il y a eu de le trou d'un coup cette année? Chez nous, deux, OK. L'année dernière au camp. Ah, c'est quand même bon pareil. C'est quand même bon pareil. Oui. Fait que... Non, non. Puis on peut dire qu'on est quand même en bonne position parce qu'on a un bon, on a un bon membership. On a encore tout près de 200 membres cette année. Ouais. La majorité, ce sont des gens qui sont avec nous depuis plusieurs années. Puis même si on en perd 12 à 15, on va toucher du bois, mais depuis 4-5 ans, on va chercher une douzaine de nouveaux membres. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même bien. C'est surtout au niveau de la pratique du golf que c'est plus inquiétant. Et vous autres aussi, vous restez quand même une région éloignée, hein? Ça aussi, tu sais, il n'y a pas de synergie, tu sais, il n'y a pas de tournoi. Les revenus visiteurs, on budgète à peu près 25-30 000 par année, contrairement à 200 puis 300 000 ailleurs. Donc, c'est toute une différence. Oui, effectivement. Ça fait pas mal le tour pour cette année. Évidemment, on va suivre le dossier de près, évidemment. Puis, gêne-toi pas, ça m'a fait encore un grand plaisir de collaborer avec toi cette année. C'est toujours le fun de collaborer avec un vieux collaborateur, quoi. Un grand merci, Danny, puis ça fut un plaisir et c'est bien apprécié chez nous aussi. Ben voilà, donc c'était le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Lalonde.